Les surprises d'Adam. Oh, Marine, il faut absolument que je te parle d'un truc. Les yeux verrucums d'Adam pétillaient. Ils étaient installés l'un face à l'autre dans le minuscule studio de Radio Sonic ce mercredi-là. La jeune femme était arrivée juste à l'heure. Le sonorisateur en avait l'habitude. Elle était là, assise devant le micro, les cheveux châtains un peu en bataille, les joues rouges d'avoir couru dans les escaliers. 3 étages à pied. Mais c'était toujours pareil. Ce fichu ascenseur n'arrivait jamais quand on l'appelait. Elle gravissait donc les marches à toute allure et voilà pourquoi elle arrivait dans cet état. Donc, elle était là. Elle avait ôté sa veste d'entre-saison. Il faisait frais le soir, même si la journée avait été chaude. Elle portait sous celle-ci une robe un peu courte, bleu marine, avec des dessins blancs, un joli petit décolleté et des escarpins de la même couleur. Quand elle s'assit et qu'elle commença de fouiner dans son sac à la recherche de ce qu'elle avait à lire ce soir-là, Adam mit en route le générique du début de l'émission. Les micros étaient coupés. Cela valait mieux, vu la respiration haletante de Marine. Il ne restait que quelques secondes de musique quand fièrement la jeune femme extirpa des papiers un peu froissés du grand fourre-tout. Ouf! Juste à temps. Aujourd'hui, une lecture de Pierre-Louis, suivie de celle que j'ai choisie exprès pour vous, mes chers auditeurs. Pour terminer, à nouveau un extrait du Kama Sutra. Adam sourit à la lectrice. Il avait l'habitude, à présent, de ces minauderies dans le micro. Il savait qu'elle aimait aguicher les amateurs d'histoire chaude en jouant de sa voix. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi les inflexions de son organe, les variations de débit et de volume. Entre nous, cette voix lui faisait toujours le même effet. Elle aurait pu lire bêtement ou en rajouter de temps en temps, mais non. Au plus le temps passait, au mieux elle s'acquittait de sa tâche de lectrice de textes érotiques. Ils travaillaient ensemble depuis plus de 6 mois. Et y trouvait toujours autant de bonheur. Marine planta ses yeux dans ceux de son partenaire. Aujourd'hui, je vais le faire exploser, se dit-elle. Ce sera facile. J'ai envie qu'il ne puisse plus tenir. Cela n'avait rien de pervers comme pensée, juste un petit jeu auquel ils se livraient tous les deux de temps en temps. Elle lisait, il se laissait transporter. Ensuite, quand il la raccompagnait à son appartement, elle continuait de l'exciter. La petite voiture grise avait déjà été témoin de choses un peu osées. Entre amants consentants, il n'y a pas de problème. Si? L'émission passa en un clin d'œil. Le trouble du jeune homme était tellement palpable que quand ils quittèrent le bâtiment de la radio, il était très rouge et ses yeux étaient voilés de désir. Qu'à cela ne tienne, un quart d'heure les séparait du logement de la lectrice. Il faudrait encore un peu de patience à Adam pour exulter. On se souvient qu'il voulait absolument parler à son ami de quelque chose qui semblait l'emballer au plus haut point. Et pourtant, pris à présent dans les filets auditifs que Marine lui avait tendus, il n'y songeait plus. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de la jeune femme. Elle en sortit, prit ses clés et appuya sur le bouton déclenchant la minuterie de l'éclairage extérieur. Adam sortit de la voiture à son tour, en referma les portières avec sa petite commande et suivit Marine. Ils grimpèrent une volée de marches. Sa petite robe bleue dansait le long de ses jambes. Ils avaient hâte de retrouver le canapé blanc. Sitôt la porte de l'appartement ouverte, la jeune femme se défit de ses escarpins, ôta son string et s'assit, les cuisses un peu écartées, dans le divan. Adam, quant à lui, défit les 3 premiers boutons de sa chemise et celui de son jeans. Son ami termina le déshabillage alors qu'elle était toujours en robe. En riant comme des petits fous, ils se retrouvèrent, elle couchée sur le dos lui son joli visage entre les cuisses de Marine. « Je vais te manger, ma diablesse. Lèche-moi d'abord, tu veux ?»« Ça t'aiguise l'appétit, non ?» Elle riait comme une enfant qui se fait embrasser sur les joues par un monsieur moustachu et dont les petits poils de celui-ci lui chatouillent la figure. Adam se régalait, et elle aussi. Le fait de l'avoir vue toujours aussi troublée durant l'émission avait fait monter son désir à elle, et là, il était certain que cela ne durerait pas, ils allaient exploser. Passons les détails, parce que, oui, je pense que vous avez envie de savoir ce que le sonorisateur voulait expliquer à son ami, non ? Rapide passage à la douche, savonnage mutuel, éclaboussage, de vrais enfants. Adam sortit le premier. Je vais te préparer une petite surprise. Tu as encore un peu le temps de te prélasser sous l'eau. Les hanches cintrées dans un grand drap de bain bleu, il était dans la pièce à vivre, à présent. Il ouvrit la porte d'une petite armoire basse. Il savait qu'il y trouverait des verres et l'une ou l'autre bouteille d'alcool. C'était ce qu'il cherchait. Il prit une bouteille de rhum. Marine aimait ce cocktail, mélangeant sucre de canne, citron, menthe et eau gazeuse. Il allait un peu forcer sur l'alcool. L'effet produit serait certainement parfait. Il prépara le breuvage dans un shaker et leur servit deux verres. Puis, il se dirigea vers l'espace cuisine. Il devait y avoir encore de bonnes petites choses à manger dans le frigo. Il trouva du foie gras, il étala celui-ci sur des petits toasts, qu'il découvrit dans une des armoires, et voilà, le plateau était prêt. Il le déposa entre les verres, il ne fallait plus traîner. Marine allait le rejoindre. Il y avait encore deux choses à faire. D'abord, le casque et les petits écouteurs qu'il avait apportés dans ce petit sac à dos noir qui ne le quittait que rarement au boulot, et puis... Je peux utiliser ton ordi ? Oui, bien sûr, il est sur le bureau, tu vois ? Lui répondit Marine de la salle de bain. Elle avait fermé le robinet, sa douche était terminée. « Il est chargé ?»« Oui, oui, il devrait tenir au moins 2 heures, je pense. » C'était parfait. Adam le débrancha et le déposa sur la petite table basse. Il était impatient à présent. Les choses allaient certainement être très chaudes. Marine sortit de la salle de bain, enveloppée d'une serviette de la même couleur que celle de son ami. « Oh, mais tu me gâtes !»« Si elle savait, pensa Adam. « Assieds-toi, tiens, à ta santé !» lui dit-il en lui tendant un des deux verres de Morito. « Un petit quelque chose à manger avant de passer à ma surprise » poursuivit-il. Elle le regardait vraiment éberluée. Ce n'était pas souvent qu'il se conduisait de la sorte. Son savoureux deviendrait-il audacieux ? D'abord, penser à quelque chose qui aurait pu lui faire plaisir, ce n'était pas dans ses habitudes. Ensuite, tout organiser de cette manière, enfin, c'était très agréable de se faire dorloter comme ça. Un petit sourire s'esquissa sur sa jolie bouche. Elle buvait le cocktail en se délectant. C'était John qui lui avait parlé de cela, un soir avant un concert, en lui disant « Si tu aimes les trucs un peu forts, et le citron, et la menthe, c'est fait pour toi. » Ce jour-là, elle en avait bu un. Et puis un deuxième. Elle avait apprécié cette chaleur qui monte tranquillement de la gorge aux joues, les faisant passer du rose au rouge écarlate. Ses yeux pétillaient, et quand Adam l'avait aperçue, il avait vite compris ce qui se passait. Elle était prise de fou rire et ne semblait plus trop tenir sur ses pieds. Oui. Elle avait coutume d'être spontanée et vive, mais ces signes de légère ivresse l'avaient amusée. Alors elle aussi, elle aimait la douceur de l'alcool. Il ne lui en fallait pas beaucoup pour être grisée. Elle se lâchait un peu et c'était attendrissant. Donc, Marine était assise dans le canapé. « Je te lance ma surprise. »« Tu ne veux pas me dire de quoi il s'agit ?»« Non, non, » dit le jeune homme en secouant la tête. Il avait un petit sourire mystérieux en regardant la jeune femme. « Bon, tu es prête ? Je te mets le casque ou les écouteurs sur les oreilles ?»« Les écouteurs. Ok. » Et là, dans les oreilles, une voix masculine. Ensuite, une deuxième. Mon Dieu, ce que c'était sensuel. Les voix jouent avec les mots, avec les intonations de plus en plus aguicheuses. Elle reconnaissait la manière dont elle se servait de la sienne, parfois chuchotante, plus pincée, pétillante ou au contraire un peu éteinte. Ici, c'était un dialogue, jamais cru, jamais vulgaire. Il y avait des sourires dans ses voix, c'était délicieux. Et puis, ce qui la troublait aussi étrangement, c'était la manière dont les voix étaient distribuées dans les écouteurs. On aurait dit qu'elle se trouvait entre ces deux hommes, que c'était elle l'objet de leur intérêt et de leur caresse. Ils étaient craquants de spontanéité, de chaleur douce. Oh, ce que c'était excitant! Une certaine tendresse émanait de leur échange. Ils donnaient l'impression d'être attirés l'un par l'autre, autant que par cet amant imaginaire qui les séparait. Marine avait les yeux tour à tour étonnés, rieurs, troublés, intéressés. Elle qui d'habitude avait la langue bien pendue, elle se retrouvait à présent silencieuse, complètement sous le charme. Avant que l'audio soit terminé, elle se tourna vers Adam. « Tu sais comment on s'y prend pour obtenir cet effet-là ? » « Non, absolument pas. C'est du binaural, c'est certain, mais je ne sais vraiment pas comment il faut faire pour que l'enregistrement donne ça. » « C'est une question de post-traitement, tu penses ?»« Non, je ne crois pas. Il doit y avoir quelque chose de spécial qui se passe au moment de la prise de son. »« Tu t'y connais de toute façon mieux que moi. Mais je me disais que tu aimerais que ta voix sonne de cette manière. »« Oh oui, t'imagines l'effet sur les auditeurs ?»« Oh que oui, il imaginait tout à fait. Déjà que les lectures de la jeune femme suscitaient des commentaires chauds et excités, parfois même à la limite de la décence, alors que serait-ce s'il se servait de cette technique? Et puis il faudrait enregistrer avant l'émission juste la séquence avec les mots qu'elle choisissait. Il fallait vraiment que le sonorisateur prenne ses renseignements. Les derniers mots du monsieur de gauche résonnaient encore dans les oreilles de Marine. C'était trop fou. À la fois teinté de désinvolture et d'étonnement, comme des petits bonbons un peu trop doux qu'on fait bouger dans la bouche en les sucotant. Elle soupira. Il fallait qu'elle en sache davantage sur ce monsieur. Elle avait été sur le point de prendre son pied. Bien sûr, pour y arriver réellement, il aurait fallu qu'elle se caresse un peu ou qu'Adam le fasse. Mais l'excitation avait tellement poussé au creux de son ventre, la remplissant d'aise et de désir, elle était chamboulée, confrontée à cette situation. Elle la connaissait bien. Avec le temps, elle l'avait apprivoisée. Cela s'était déjà produit quand elle assistait aux concerts, au cours desquels Adam jouait du sax. Il entrait en scène avec son allure de chat un peu effarouché, s'arrêtait juste à la droite de la chanteuse Éléonore, regardait à peine le public, se campait solidement sur ses jambes et la magie opérait. Que son instrument pleure ou s'emballe dans des mélodies plus joyeuses, c'était toujours pareil. La tension grimpait dans le ventre de Marine. Quelque chose qui vous en sert de manière déterminée. Il y avait le son velouté du sax, cette manière discrète d'intervenir, les yeux clos du jeune homme, tout habité par la musique et les émotions qu'il procure, il y avait cette présence également. Ce petit quelque chose en plus qui fait que, même s'il n'était pas un showman, le plaisir qu'il prenait à distiller ces petites touches jazzy soit palpable, comme vital. Alors, elle se laissait bercer, enveloppée, mais soulevée aussi par cette musique. Elle laissait le trouble la gagner petit à petit, envahir tout son corps, le pénétrer, le mener au plaisir tendre et fou. Elle sentait son souffle s'accélérer, lui, il ne se rendait compte de rien. Il laissait simplement sortir toutes ses arabesques du pavillon de son sax, sans la regarder, sans regarder personne, d'ailleurs. Parfois, un petit froncement de sourcil se dessinait sur son joli visage et puis son front se détendait et redevenait lisse. Elle souriait. Elle se sentait bien. Ça, c'était ce qu'elle ressentait, en regardant et en écoutant son Adam. Parfois, souvent, elle laissait les émotions lui tourner la tête. Elle fermait les yeux et se gavait de ses plaisirs, qui prenaient possession de son ventre et qui, très tranquillement, remontaient à son cœur, et plus haut encore. Sa gorge, notamment, qui se serrait de sanglots de parfait bien-être. Et là, la voix de ce monsieur, elle était aussi excitante. Elle remuait les tripes, se frayait un chemin jusqu'à l'intimité profonde. Et c'était vraiment délicieux. Il était certain qu'Adam ne se rende pas compte de la similitude entre les deux situations. Lui en concert et ce comédien devant un micro. Mais en attendant, l'effet provoqué était savoureux. Rien de forcé. Juste de la douceur, de la tendresse. Les poils, comme disent parfois certains jurés dans The Voice. Vous voyez quand l'émotion se matérialise. Marine aurait pu parler des heures de ce qu'elle éprouvait. Mais à présent, il était temps de passer à autre chose. Cet homme qui est dans l'oreille gauche de Marine, elle va le retrouver dans les frissons 2.